On va ouvrir le bulletin de sport local et régional de ce lundi 10 décembre en parlant d'abord du tournoi scolaire qui s'est tenu à Roberval en fin de semaine, tournoi scolaire de catégorie juvénile et cadet division 2. Et ça a quand même. D'abord, on va y aller avec du côté du cadet division 2. Ça a été les Aigles de Roberval se sont inclinés en demi-finale contre le Collège Esther Blondet 3-2. Et en finale, le Collège Esther Blondet a battu les Bleuillards d'Anvida 4-2. Et en juvénile division 2, triomphe du Bleu et Or d'Arvida 4-0 sur la cité étudiante de Roberval. Fin de semaine plutôt difficile en Abitibi pour les Saguenay-Chicoutimi. Ils ont gagné une fois et ils ont subi deux revers. D'abord, ils ont gagné 3-2 contre la formation du Forum de Val-d'Or. Ça se déroulait vendredi soir à Val-d'Or. À noter que dans le match, Théo Rochette, Jesse Sutton et Justin Cham ont marqué chacun un but et une passe. Et deux défaites par blanchage, 4-0 et 6-0 contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Du côté des Marquis de Jonquière, les Marquis qui affrontaient les Pétroliers du Nord, ça, c'est la formation qui remplace Berlin dans la Ligue nord-américaine. Et ils ont remporté une victoire de 8-4. Christian Ouellet a été le meilleur des Marquis avec une production de 2 buts, 2 passes. Danick Malouin et Gabriel Paquin-Boudreau. Un but, deux passes. Du côté des Ligues Midget Régionales maintenant, ou plutôt Midget 3, deux défaites des élites de Jonquière. Les élites qui ont perdu 4-1 et 5-3 contre Magog. Jérémy Pelcha de Dolboum-Sesny a été blanchi dans les deux parties. Ligue Senior du Lac Rofeuve, le multiconcessionnaire de Dolboum-Sesny l'a emporté 6-5 sur la Côte-Nord samedi soir. Un but, trois passes pour Pierre-Olivier Nau. Jean-Philippe Pelliccioli, un but et deux passes. Simon Tremblay, tant qu'à lui, a marqué deux buts et un but, deux passes pour également Steven Girard. Maintenant, du côté midget régional, les Castors de Dolbeau ont remporté une victoire sur le Marcos Pop de Saint-Félicien 3-2. Zachary Fortin, Kevin Simard et Philippe Ouellet ont marqué des buts. Et du côté des Ambassadeurs Pogamo, ils ont balayé les Basques de cette île 6-4 et 6-2. Dans le premier match, 3 buts, 3 passes pour Julien Filion. Et dans le deuxième match, Aiden Benac, Michael Open, Sepiaco et Nishi Longchat ont marqué chacun un but et une passe. Et du côté Bantam, les Rapides de Boumsisny ont gagné 2-1 sur les Patriotes de Saint-Bruno. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.